Chapitre 9e. Le jour fixé pour l'union du révérend et de Mademoiselle Banner était arrivé. Un soleil froid, ce soleil des dernières semaines de l'hiver, perçait avec peine le brouillard du matin, et les enfants de l'école des pauvres, en fouillant tous les jardins de Marston, n'avaient pu cueillir pour jeter sous les pieds de la mariée que quelques brins de violette. À l'heure convenue, Madame Lagent et Cécily montèrent en voiture pour se faire conduire à la chapelle des dissidents, où un pasteur de la ville voisine devait célébrer le mariage. Si la veuve était radieuse dans sa belle robe de soie grise et avec son chapeau de paille d'Italie, surmontée d'une longue plume blanche, Cécily avait la figure fatiguée. Au moment de se donner à son fiancé, la jeune fille avait peur. Dans une nuit d'insomnie, elle avait repassé dans son esprit ce qu'il y avait d'étrange et de mystérieux dans la conduite de son futur. Pour la première fois, elle doutait de ce révérend qui cachait un secret. Cécily s'alarmait des paroles mystérieuses, des regards sombres de deux îles. Mais elle avait donné sa parole, et malgré ses craintes sur l'avenir, elle ne songeait pas à se rétracter. Mademoiselle Banner avait invité tous ses amis et même ses connaissances à la cérémonie religieuse. Elle n'oubliait pas qu'en province surtout est terrible la vieille fée qui n'est pas comprise dans les invitations. La chapelle était donc pleine du monde respectable de Marston. D'un océan de plumes blanches et de robes de soie s'exhalait une bonne odeur de lavande. Au chuchotement discret se mêlait le froufrou de la soie et du velours. Lorsque la mariée fit son entrée la première, pour les gens superstitieux, et il n'en manquait pas, cette circonstance parut de mauvais augure. Le marié se fit attendre et, dans la sacristie, il eut à subir sur son manque de convenance les reproches de Madame Lagent. Il s'excusa auprès de Cécily. La fièvre, l'émotion lui avaient enlevé la force nécessaire pour s'habiller. Son bonheur lui semblait un rêve. La jeune femme ne répondit pas, mais regardant avec douceur son fiancé, elle mit sur son bras une petite main glacée et se dirigea du côté de la porte de la sacristie. Sur le seuil de cette porte se tenait, grave et immobile, un homme dont la vue troubla profondément Cécily. C'était Arthur Hurret, aux côtés duquel se tenait un inconnu dont les yeux paraissaient rivés sur deux îles. « Chère Madame Lagent, dit Arthur en s'approchant de cette dernière qui marchait derrière la mariée, veuillez emmener Mademoiselle Banner chez elle. Le mariage ne peut avoir lieu. » Bien qu'Arthur eût parlé à voix basse, le pasteur avait entendu, et de pâle qu'il était, il devint blême. Cependant, il se retourna vers son rival. « De quel droit, monsieur » demanda-t-il. « Venez-vous donner des ordres ?»« Je vous le dirai, monsieur, lorsque Mademoiselle Banner aura quitté la chapelle, » répondit l'avoué avec calme. Cécily, tremblante, effarée, suppliait deux îles, au nom de leur amour, de lui donner l'explication de ce qui se passait. « Mais, » reprit le ministre, « il n'y a rien là qui doit vous effrayer. » Votre ancien adorateur est devenu fou sans doute, et c'est votre indifférence qui cause sa folie. » La pauvre Cécily, malgré l'explication de deux îles, n'était pas rassurée. L'air sérieux de Hurret et la présence de l'inconnu lui inspiraient une vague terreur qui s'augmenta encore lorsque l'avoué reprit sur un ton ferme. « Ne portez pas la tête si haut, monsieur deux îles, et si vous avez la moindre considération pour Mademoiselle Banner, laissez-la partir. Je n'ai pour l'instant qu'une explication à vous donner. Nous sommes ici, monsieur et moi, par suite de votre dernière visite à Barnley. » Deux îles allaient se récrier qu'il ne connaissait pas Barnley lorsque l'inconnu l'en empêcha en lui disant « Nous n'avons pas à discuter en ce moment, je vous prie d'éloigner ces dames. » Il y avait là un ordre plutôt qu'une prière et le pasteur le comprit. Le visage blême de deux îles n'exprimait pourtant ni la colère ni le désespoir. Sur ses traits décomposés on distinguait la fureur qui agitait son âme. Avoir tant osé, avoir tant accompli, touché au but, et tout l'échafaudage si péniblement construit s'écroule. Dans cette crise suprême de sa vie, le pasteur conservait la force de son caractère. Il souriait dédaigneusement. Il supposait que M. Hurret voulait jouer une scène de mélodrame. Il valait mieux épargner à Cécily les jérémiades d'un amoureux évincé. Il l'engageait donc à rentrer chez elle afin qu'il pût terminer rapidement cette ignoble comédie. Madame Lagent porta plutôt qu'elle ne conduisit Mademoiselle Banner à sa voiture, où celle-ci tomba à moitié évanouie, tandis que les jeunes filles de l'école, placées à la porte de la chapelle, les mains pleines de violettes, regardaient cette scène avec stupéfaction. Dans la chapelle, la surprise n'était pas moins grande, et les commentaires allaient bon train. Tout le monde s'était levé, et on s'entassait auprès de la sacristie dont le pasteur n'était point sorti. Après avoir reconduit Mademoiselle Banner jusqu'à sa voiture, Arthur Hurret, sans faire attention à la foule agitée qu'il fut obligé de traverser, revint vers cette sacristie où il pénétra à grand-peine. Le zile était assis. Près de lui, assis également, il y avait l'inconnu. À l'entrée de la pièce, un groupe était formé par le chef de la police de Marston, un gros vieillard et un homme qui, appuyé contre le mur, se cachait la figure. Ce dernier portait des vêtements usés, des bottes vernies, dont les semelles étaient disposées à quitter l'empeigne. Son chapeau, un vieux chapeau gris, qui avait roulé par terre, était entouré d'une bande de crêpe noire. Cette bande misérable était le deuil que portait Philip Morgan, dit Mortimer, de sa sœur assassinée. « Enfin, vous voici revenu, monsieur Arrett, dit Dozil, et vous allez m'expliquer ce scandale. Croyez bien que votre insulte ne restera pas impunie, et que je saurai défendre mon honneur, quoique ma qualité de ministre des saints évangiles m'interdise d'user de violence. Quels sont ces messieurs qui vous accompagnent? Ne les connaissez-vous pas? Si en votre qualité de révérend vous n'avez pas eu de relation avec le chef de la police, vous avez dû être en rapport avec lui sous la casaque du forçat, et sous le nom de David Hastings. Quant à Philip Morgan, le frère de votre victime, de celle qui était votre femme légitime, il n'est pas admissible que vous ne vous souveniez pas de lui. » Arrêté si subitement qu'il n'avait pas eu le temps de coordonner ses idées, le pasteur n'avait qu'une réponse à faire, niait tout, et il n'y manqua pas. « Alors, reprit Arrett, vous n'avez acheté ni perruque, ni barbe, pas de vieux habits, et vous ne reconnaîtrez pas les deux marchands prêts à affirmer votre identité, sans me compter moi, qui vous ai vu sortir de chez M. Brown sous votre déguisement de colporteur, quelques heures seulement avant l'assassinat. » L'inconnu interrompit l'avoué en s'adressant à Dozil. « Je suis officier de police de Scotland Yard. J'ai un mandat pour arrêter M. Dozil sous l'inculpation de l'assassinat, et je le préviens que tout ce qu'il dira ici sera répété ailleurs. Nous allons partir immédiatement, car l'enquête sur le corps de la pauvre femme a été ajournée jusqu'à demain, et l'accusé doit y assister. L'homme qu'elle a, ajouta le détective en désignant le gros vieillard, est le maître de la taverne où l'accusé a demandé des renseignements sur Susan Morgan. Il est disposé à témoigner de son identité. Je suis d'autant plus certain de ne pas me tromper, fit le bonhomme, que j'ai remarqué les yeux étincelants de l'accusé. Ses yeux n'étaient pas ceux d'un individu âgé, sa voix était celle d'un jeune homme, et ces détails m'ont frappé. Un rire terrible, rire de démence, arrêta le bavardage du cabaretier. C'était Dozil qui riait, quoiqu'il ne fût pas fou. Mais ce rire hideux était le seul indice de la douleur sans borne, de l'agonie épouvantable du vaincu, qui au jour du triomphe voit s'écrouler toutes ses espérances. Dozil se remit bientôt, et par un effort surnaturel, se déclara tranquillement prêt à accompagner l'officier de police. Il y avait là une erreur absurde, mais il devait se soumettre aux ordres de la justice. L'innocent n'a rien à redouter.